sombre forêt. Le chevalier monta quatre à quatre les escaliers menant à la tour solitaire, où la belle s'était endormie, déposa sur les lèvres de blanches fleurs le plus pur des baisers. Bonjour.